بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شرعنا الأسبوع الماضي في تفسير سورة الغاشية. La semaine dernière, on a commencé l'exégèse de سورة الغاشية. ورأينا ما يتعلق بقول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. On a vu donc ce qui est lié à la parole d'Allah, « Al-Ataka Hadith Al-Ghashiyah ». T'est-il parvenu le récit de Al-Ghashiyah ? On avait répliqué donc à cette ambiguïté, on a répliqué à donc ces personnes qui vont répliquer aux chrétiens en disant que les chrétiens vont caractériser Allah par l'ignorance lorsque on voit que Allah, ce qui est voulu dans certains versets de la Bible, où on voit que Allah aurait posé certaines questions à certaines de ses créatures. Et donc, ces musulmans qui veulent répliquer à ces chrétiens-là vont nous dire à chaque fois, donc regardez, Allah a posé une question, et donc ça veut dire que, selon les chrétiens, Allah ne savait pas. On avait répondu à cela en disant, non, cette argumentation est fausse. Lorsqu'on réplique aux chrétiens, il est important qu'on réplique avec des vrais arguments. Parce que ce n'est pas toute question qui implique une ignorance. Ce n'est pas tout questionneur qui ignore la réponse. Comme on l'a ici, « Hal ataka hadithul rashiya » t'est-il parvenu le récit de la rashiya ? Allah Ta'ala, il connaît très bien donc ce que son messager connaît et ce qu'il ne connaît pas. Et Allah Ta'ala sait très bien ce que son messager connaît et ce qu'il ne connaît pas. Et on a vu les raisons donc qui sont, on a vu ce qui est voulu par ce genre de questions qui sont citées dans le Coran, dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahnu al-yawma nastamir fi hadha at-tafsir fi tafsir hadhihi as-sura. Aujourd'hui on continue donc l'exégèse de cette sura. Allah Ta'ala qui nous dit hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah. T'est-il parvenu donc le récit de al-ghashiyah? Les visages seront en ce jour-là humiliés. Amilatun nasiba, préoccupés et harassés, c'est-à-dire fatigués, très fatigués à cause donc des nombreuses œuvres qu'ils accomplissent. Wa qulna inna Allah ta'ala yubayyin lana ahwal an-nas fi hadha al-yawm. Fa wujuhun yawma idhin khashi'ah, ha'ula hum al-khasirun. الَّذِينَ لَمْ يَكُومُ بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Et donc nous avons vu que Allah Ta'ala, il nous montre dans cette sourate la situation des gens au jour de la résurrection. Des visages seront en ce jour-là humiliés. Des visages seront humiliés. Ces gens-là, ce sont les perdants au jour de la résurrection. Ceux qui ont désobéi à leur Seigneur et qui n'ont pas accompli ce qui leur a rendu obligatoire. J'ai oublié de citer un point ici, important. J'ai oublié de le noter. Je vais le noter maintenant avec vous. Question. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Des visages seront humiliés ce jour-là. Est-ce que ce qui est voulu par là, donc, c'est le visage ou la personne? C'est son visage qui sera humilié ou la personne qui sera humiliée? Mais si tu dis la personne, ça englobe le tout. En fait, c'est la personne. C'est tout. Et ça, c'est connu dans la langue arabe. C'est connu qu'on peut citer une chose, une partie d'un corps, et qu'on veut tout le corps. Une partie d'une chose, mais qu'on veut toute la chose. Ça, c'est connu dans la langue arabe. Et il y a plusieurs exemples comme cela dans le Coran. Et donc ici, « Wujuhun yawma idhin khashi'a ». Des visages seront humiliés, des gens seront humiliés ce jour-là. Et ils auront leur visage humilié. Amilatun nasiba. Préoccupés par le travail. Harassés. Li ahli al-ilmi qawlan fi hadhihi al-aya. Il y a deux avis des savants concernant l'explication de ce verset. فقال الطائفة إن المراد في الدنيا وأنهم كانوا يعملون كثيرا ويتعبون أنفسهم وما نفعهم عملهم هذا لكونهم لم يأتوا بشرطي قبول العبادة وهما الإخلاص والمتابعة فعملوا عملا كثيرا ما نفعهم لذلك قال تعالى بعد هذه الآية تصلى نارا حامية. Et donc il y a un groupe des savants qui disent que ce qui est voulu par cette parole amilatun nasiba, préoccupé, harassé, c'est ici-bas. C'est-à-dire des gens qui étaient préoccupés, harassés, ici-bas. Parce que ces gens-là, ils accomplissaient beaucoup d'œuvres. Ils se fatiguaient et s'efforçaient. Cependant, leurs œuvres ne leur ont pas été profitables. À cause du fait qu'ils ne sont pas venus avec les deux conditions d'acceptation des œuvres, qui sont l'ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tous les agissements, toutes les œuvres qu'ils ont pu accomplir ne leur ont pas été profitables. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, il dit après cela, tasla naran hamiya. Ils brûleront dans un feu ardent. وهذا يحثنا أيها الإخوة على التعلم لأن المرء لا ينبغي له أن يقدم على عمل وهو لا يعلم ماذا يريده الله منه. Et ça nous incite, ô mes frères, à apprendre notre religion. Parce qu'il n'est pas convenable que l'individu accomplisse un acte et qu'il ne sait pas ce que Allah veut de lui. Il ne sait pas comment Allah veut que cet individu accomplisse cet acte. Et donc il est important qu'on apprenne notre religion. والقول الثاني من أقوال أهل التفسير في هذه الآية أن المراد بقول الله تعالى عاملة ناصبة أي في الآخرة. Le deuxième avis des gens de science dans l'explication de ce verset, c'est que la parole d'Allah Ta'ala عاملة ناصبة, donc préoccupé, harassé, ce qui est voulu par là, c'est dans l'au-delà. C'est pas fi dunya. On a vu la première explication, ils sont préoccupés et harassés ici-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup, comme on a par exemple les prêtres. Le prêtre, il s'interdit le mariage. Non, pas de mariage. Il va vivre tout le temps donc près de l'église. Il a une vie donc assez difficile. Il se prive de beaucoup de biens. Il va beaucoup œuvrer, beaucoup de prières. Beaucoup de prières, beaucoup de lectures. Mais ça ne lui est pas profitable. Ça, c'est fit dunya. Ça, c'est la première interprétation de ce verset. La deuxième interprétation, ce sont ceux qui sont préoccupés, harassés dans l'au-delà. Dans l'au-delà. وَالْمَعْنَا أَنَّهُمْ سَيَعْمَلُونَ عَمَلًا شَاقًا. Et ce qui est voulu, c'est que dans l'au-delà, ils vont accomplir des actes difficiles. Ils seront préoccupés par leurs actes difficiles. وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى النَّارِ مِنْ أَصْعَبِ الْأُمُورِ وَأَصْعَبِ الْأَعْمَلِ. Et il n'y a nul doute que le fait de patienter face au feu fait partie des choses les plus difficiles et des œuvres les plus difficiles. Et donc, être dans le feu, être dans l'enfer, fait partie des choses les plus difficiles. Et donc, ils vont accomplir des actes difficiles. وَهَذَا الْقَالُهُ اَخْتِيَارَ الْعَلَّمَ إِبْنُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَبْلَهُ السَّعْدِ. Et donc, cette parole, cet avis est aussi le choix de Cheikh Ibn al-Uthaymin et avant lui-même son enseignant, السَّعْدِ, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais il se base sur quoi pour dire cela ? Il se base sur siyakul ayah, la formulation du verset. La formulation du verset. Parce que Allah Ta'ala, il nous dit au début, wujuhu yawma idhin khashi'a. Des visages seront humiliés à ce jour-là. Aïe, yawm al-qiyama. Les visages seront humiliés à ce moment-là. C'est-à-dire yawm al-qiyama. Ils disent, et donc, si Allah ici il nous parle de Yawm al-Qiyama, quand il nous dit Amilatun Nasiba, donc préoccupé, harassé, c'est aussi Yawm al-Qiyama. Allah il nous décrit la situation des gens, Yawm al-Qiyama. Il ne nous décrit pas donc ce qu'il faisait, donc fi dunya. Wa sahih, والله تعالى أعلم أن الآية عاملة ناصبة تحتمل المعنيين. Et en réalité, et Allah Ta'ala est plus savant, ce verset « Amilatun Nasiba », donc « préoccupé et harassé », ce verset donc peut comprendre les deux significations. « Fekawnu l'ayatil oula muta'alliqa biyawm il-qiyama, la yamna'u an takuna l'ayatu thaniya muta'alliqatan bisababi alladhi adda ila dhalika min a'mali d-dunya. » Et donc le fait que le premier verset concerne le jour de la résurrection n'empêche pas que le deuxième verset peut concerner la cause qui a entraîné cette punition dans l'au-delà, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait ici-bas. Il se peut que le premier verset concerne l'au-delà et que le deuxième concerne la vie ici-bas, leurs agissements. Et donc, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien donc qui empêche cela. Donc, ce verset, « Amilatun Nasiba » englobe, « Wallahu A'lam » les deux significations qu'on a vues, que les savants ont citées. Et je vous rappelle une règle très importante dans ou sous le tafsir, concernant les règles du tafsir. Il se peut que tu trouves plusieurs avis des savants. Parfois, des gens, quand ils commencent à lire le tafsir, Ibn Kathir et autres qui se disent « Ah, oh, il y a trop de divergences entre les ulémas. » Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Il se peut qu'il y ait plusieurs interprétations et que toutes les interprétations soient correctes. Il se peut que toutes les interprétations soient correctes. Tant qu'il n'y a pas de contradiction entre les interprétations et que le verset donc ne va pas s'opposer clairement à une interprétation, il se peut que toutes les interprétations soient correctes. Et ici, Wallahu A'lam, il n'y a pas de mal à ce que les deux interprétations citées soient correctes. فَهَاُولَئِ يَوْمَ الْقِيَامَ يَصْلَوْنَ نَارًا حَامِيًا. Et donc ces gens-là, au jour de la résurrection, ils vont brûler dans un feu ardent. أَيْ حَارًا بَالِغَةٌ فِي الْحَرَارَةِ غَيَتَهَا. C'est-à-dire un feu qui est très chaud et qui atteint donc la chaleur la plus ardente, la plus chaude. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيًا. Ils seront abreuvés d'une source bouillante. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. Ils n'auront de nourriture que de ضَرِيعٍ. On verra ce que ça veut dire, inshallah ta'ala. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Cette nourriture qui n'engraisse pas et qui ne fait pas partir la faim. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tusqa min 'aynin aniya. Et donc qui sont abreuvés d'une source bouillante, c'est-à-dire une source très chaude. Qala ta'ala wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Et s'ils demandent à boire, ils seront abreuvés par une eau bouillante, une eau qui va donc rôtir, comme on appelle le meshoui, qui va rôtir la peau de l'individu, son visage. Est-ce que les frères, ta'ammalou fi hadha, la personne elle est dans le feu, finnar. Hiya hadha shakhs la yatahammalou dhalik. Cette personne ne supporte pas ce feu. Cette chaleur qu'il y a autour de cette personne. Cette personne, elle a soif. Et l'eau qu'on lui donne, c'est une eau bouillante. Dans certains versets, cette eau bouillante qui va couper ses intestins. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal, il nous préserve du feu de l'enfer. Et ça concerne leur boisson. En ce qui concerne leur nourriture, la nourriture des gens du feu, laysa lahum ta'amun illa min dhari'a. Ils n'ont de nourriture que ad-dhari'a. Qu'est-ce que ad-dhari'a? Les gens de science, ils nous disent shajarun dhu shawk. C'est un arbre qui a des épines. C'est un arbre qui a des épines. Ces gens-là vont manger de cet arbre-là. Voilà ce qu'ils auront dans le feu de l'enfer. ثُمَّ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الطَّعَامُ فَكَلْ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Ensuite, Allah Ta'ala, il a décrit cette nourriture. Et il a dit que cette nourriture-là n'engraisse pas et ne fait pas partir la faim. فَهَذَا الطَّعَمْ لَا يُسْمِنُ أَيْ لَا يَنْفَعُ الْبَدَنَا ظَهِرًا. Cette nourriture-là n'engraisse pas, c'est-à-dire elle n'est pas profitable au corps de façon apparente. Elle n'est pas profitable au corps de façon apparente. وَلَا يُغْنِ مِنْ جُوعٍ أَيْ لَا يَنْفَعُ الْبَدَنَ بَاطِنًا. Cette nourriture-là qui n'enlève pas la faim, elle n'est pas profitable au corps non plus de façon cachée. Et donc, la fa'idata min hadha at-ta'am, il n'y a pas de profit de cette nourriture. Une nourriture qui n'est profitable ni de façon apparente, ni de façon cachée, c'est pas une nourriture profitable. Wa fi hadha ayyuha al-ikhwa tanbihun ila amr muhim wa huwa anna al-maqsud bit-ta'am hadhani al-amran. Il y a ici, les frères, le fait d'attirer l'attention sur un point important, c'est que ce qui est voulu par la nourriture, à la base, ce qui est voulu par la nourriture, c'est ces deux choses-là. Le fait donc de faire partir la faim, et le fait donc de faire profiter au corps de façon apparente, de renforcer le corps. C'est ce qui est voulu ici par engraisser. C'est pas engraisser jusqu'à donc devenir obèse. Non, c'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu par la nourriture, c'est soit donc faire partir la faim, ou alors renforcer le corps. Et c'est là que nous devons, nous tous, particulièrement à notre époque, faire des efforts. Particulièrement faire des efforts sur ce sujet. Avec les fast-foods, les pizzas et autres. On doit faire des efforts par rapport à ça. Qu'est-ce qui est voulu par la nourriture que tu manges? Cette nourriture que tu manges doit te renforcer pour l'ibada. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est quand on se fait plaisir tous les jours. Tous les jours, t'es là. Une dernière fois. Et après, tu faiblis, tu n'arrives pas à te lever la nuit, etc. Et donc, il est important, les frères, de faire attention à ce que la nourriture que tu manges, elle te renforce, elle t'aide dans l'adoration de ton Seigneur. فهؤلاء لا يجدون من هذا الطعام وهذا الشراب إلا الآلام والرائحة الكريهة. Et donc ces gens-là, ces gens du feu, ils ne pourront trouver de leur nourriture que les douleurs. Que des douleurs, des épines, de l'eau bouillante et des mauvaises odeurs. Dans certains versets, ce qui est cité comme nourriture des gens de l'enfer, du pu. Le pu des gens de l'enfer, ils mangeront. Et donc, il est important que nous, les musulmans, les frères, on se prépare pour ce jour terrible. Qu'on ne fasse pas partie de ces gens de l'enfer. Œuvre dès maintenant. Aujourd'hui, tu apprends. Allah Ta'ala, il nous cite les gens de l'enfer, leur situation, pour que nous, on œuvre avec cela, pour qu'on s'éloigne de ça. Parfois, certains, malheureusement, ils ont beau entendre la situation des gens de l'enfer, mais... Après le cours, il se lève et il retourne dans les péchés. Normal. Normal. Comme si ça n'a rien fait. Le cœur, il est malade. Parce que le cœur est malade. Si telle est ta situation, alors soigne ton cœur. Soigne ton cœur, c'est important. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On continue. La semaine prochaine, bi'idhnillah. La semaine prochaine, on verra la situation donc, des gens du... paradis, inshallah, wafaq Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.